À la même occasion, en Suisse, le comité commémoratif des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec 2017, le comité suisse-coréen et le cercle d'études des études du Jutsu ont publié en commun une déclaration pour louer les exploits de Kim Il-sung